les bas à jour. Quand Julien aperçut les ruines pittoresques de l'ancienne église de Vergy, il remarqua que depuis l'avant-veille, il n'avait pas pensé une seule fois à Madame de Rênal. L'autre jour, en partant, cette femme m'a rappelé la distance infinie qui nous sépare. Elle m'a traité comme le fils d'un ouvrier. Sans doute elle a voulu me marquer son repentir de m'avoir laissé sa main la veille. Et pourtant bien jolie cette main, quel charme, quelle noblesse dans les regards de cette femme. La possibilité de faire fortune avec Fouquet donnait une certaine facilité au raisonnement de Julien. Il n'était plus aussi souvent gâté par l'irritation et le sentiment vif de sa pauvreté et de sa bassesse aux yeux du monde. Placé comme sur un promontoire élevé, il pouvait juger et dominait, pour ainsi dire, l'extrême pauvreté et l'aisance qu'il appelait encore richesse. Il était loin de juger sa position en philosophe, mais il eut assez de clairvoyance pour se sentir différent après ce petit voyage dans la montagne. Il fut frappé du trouble extrême avec lequel Madame de Rênal écouta le petit récit de son voyage qu'elle lui avait demandé. Madame d'Erville voyait avec étonnement que son amie, toujours grondée par Monsieur de Rênal à cause de l'excessive simplicité de sa toilette, venait de prendre des bas à jour et de charmants petits souliers arrivés de Paris. Depuis 3 jours, la seule distraction de Madame de Rênal avait été de tailler et de faire en toute hâte par Élisa une robe d'été d'une jolie petite étoffe fort à la mode. À peine cette robe put-elle être terminée quelques instants après l'arrivée de Julien, Madame de Rênal la mit aussitôt. Son amie n'eut plus de doute. « Elle aime l'infortuné », se dit Madame d'Erville. Elle comprit toutes les apparences singulières de sa maladie. Elle la vit parler à Julien. Madame de Rênal osa enfin lui dire d'une voix tremblante et où se peignait toute sa passion « Quitterez-vous vos élèves pour vous placer ailleurs ?» Julien fut frappé de la voix incertaine et du regard de Madame de Rênal. « Cette femme-là même, se dit-il. » Et dès qu'elle ne craindra plus mon départ, elle reprendra sa fierté. Il répondit en hésitant, « J'aurai beaucoup de peine à quitter des enfants si aimables et si bien nés, mais peut-être le faudra-t-il. On a aussi des devoirs envers soi. » Aux yeux de cette femme, moi, se disait-il, je ne suis pas bien né. Madame de Rênal, en l'écoutant, admirait son génie, sa beauté. Elle avait le cœur percé de la possibilité de départ qui lui faisait entrevoir. Si Madame de Rênal avait eu le moindre sang-froid, elle lui eût fait compliment de la réputation qu'il avait conquise. Et l'orgueil de Julien rassuré, il eût été pour elle doux et aimable, d'autant plus que la robe nouvelle lui semblait charmante. Il était nuit. À peine fut-on assis que Julien, usant de son ancien privilège, osa approcher les lèvres du bras de sa jolie voisine et lui prendre la main. Il pensait à la hardiesse dont Fouquet avait fait preuve avec ses maîtresses et non à Madame de Rênal. Le mot « bien-né » pesait encore sur son cœur. On lui serra la main, ce qui ne lui fit aucun plaisir. Loin d'être fier, ou du moins reconnaissant du sentiment que Madame de Rênal trahissait ce soir-là par des signes trop évidents. Tremblante de la perdre à jamais, sa passion l'égara. « Cette femme ne peut plus me mépriser. Dans ce cas, se dit-il, je dois être sensible à sa beauté. Je me dois à moi-même d'être son amant. » Une telle idée ne lui fut pas venue avant les confidences naïves faites par son amie. La détermination subite qu'il venait de prendre forma une distraction agréable. Il se disait « Il faut que j'aie une de ces deux femmes ». Il s'aperçut qu'il aurait beaucoup mieux aimé faire la cour à Madame d'Erville. Ce n'était pas qu'elle fût plus agréable, mais toujours elle l'avait vu précepteur honoré pour sa science et non pas ouvrier charpentier avec une veste de ratine pliée sous le bras, comme il était apparu à Madame de Rênal. C'était précisément comme jeune ouvrier, rougissant jusqu'au blanc des yeux, arrêté à la porte de la maison et n'osant sonner, que Madame de Rênal se le figurait avec le plus de charme. Que connais-je du caractère de cette femme, se dit Julien. Seulement ceci, avant mon voyage, je lui prenais la main, elle la retirait, aujourd'hui je retire ma main, elle la saisit et la serre. Belle occasion de lui rendre tous les mépris qu'elle a eus pour moi. Dieu sait combien elle a eu d'amants. Elle ne se décide peut-être en ma faveur qu'à cause de la facilité des entrevues. » Comme on rentrait au salon vers minuit, Madame de Rênal lui dit à demi-voix « Vous nous quitterez ? Vous partirez ?» Julien répondit en soupirant « Il faut bien que je parte, car je vous aime avec passion. C'est une faute, et quelle faute pour un jeune prêtre !» Madame de Rênal s'appuya sur son bras et avec tant d'abandon que sa joue sentit la chaleur de celle de Julien. Comme Madame de Rênal n'avait jamais lu de roman, toutes les nuances de son bonheur étaient neuves pour elle. Aucune triste vérité ne venait la glacer, pas même le spectre de l'avenir. Elle se vit aussi heureuse dans 10 ans qu'elle l'était en ce moment. « Jamais je n'accorderai rien à Julien, » se dit Madame de Rênal. « Nous vivrons à l'avenir comme nous vivons depuis 1 mois. Ce sera un ami. »